وإن اختل هذا الأساس فسدت سائر الأعمال وصارت هباء منثورا وصارت كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وصارت كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف صارت تعبا على صاحبها في الدنيا وحسرة وخسارة يوم القيامة. عباد الله، إن الشهادتين لهما معنى ولهما مقتضى، ولا بد للناطق بهما أن يعرف ذلك المعنى ويعمل بذلك المقتضى، وإلا فإنه لا ينفعه مجرد التلفظ به. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار بأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كل معبود سواه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تفرد الله بالعبادة، فلا تعبد معه غيره. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فقد أعلنت البراءة من كل معبود سوى الله، والتزمت بعبادة الله وحده وفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله، فهموا من ذلك أنه يطلب منهم عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، فامتنعوا من أن يقولوا هذه الكلمة واستنكروها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذا المعنى هو معنى لا إله إلا الله، جعل الآلهة إلها واحدة وترك عبادة ما سواه. وقد فهمه المشركون لأنهم عرب فصحاء عباد القبور اليوم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله ولا يعملون بمقتضاها، فلذلك يقولون لا إله إلا الله ويعبدون الموتى. فالمشركون الأولون أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله وأعلم منهم بمقتضاها. هؤلاء المقبورين يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله، يقولون مع ذلك القبوريون يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك يقولون يا علي يا حسين يا عبد القادر يا تيجاني يا نقشبندي يا فلان يا فلان، ينادون الموتى ويستغيثون بهم في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، ويطوفون بقبورهم ويذبحون لهم. فما معنى لا إله إلا الله عند هؤلاء وما فائدتها؟ إنهم قوم لا يعقلون، نسوا الله فنسيهم، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Serviteur d'Allah, craignez Allah et obéissez-lui. Et sachez que le premier pilier parmi les piliers de l'islam, c'est le pilier des deux témoignages. Le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire le témoignage du fait que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et ce pilier est la base de l'islam sur lequel tous les autres piliers sont bâtis et établis. Et c'est sur ce pilier que le reste des règles de la religion sont bâties. Et c'est la base qui est la plus importante. Si cette base est solide, si cette base est droite, si cette base est forte, alors le reste de nos œuvres seront acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur qui a accompli ses œuvres pourra en profiter au jour de la résurrection. Tandis que si cette base est défaillante, ou s'il y a dans cette base de la faiblesse, ou des manques, ou de l'imperfection, ou des choses qui viennent détruire cette base, alors le reste des œuvres que cette personne a appliquées n'auront aucune valeur. Et elles seront comparables à de la poussière frappée par un vent violent. Et donc la personne qui adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala et qui commet le shirk et qui annule la signification de ce témoignage du premier pilier de l'islam, il est semblable à une personne qui est dans le désert et qui est assoiffée. Et il voit un mirage à une distance. Et il court et il s'approche en cherchant de l'eau et en espérant qu'il va pouvoir s'abreuver dans la chaleur et dans le désert. Et lorsqu'il arrive à l'endroit où il croyait trouver de l'eau, il s'aperçoit que ce n'était qu'un mirage. Et bien ça, c'est l'exemple de la personne qui a fait beaucoup d'efforts pour avoir des bonnes œuvres et pour faire des bonnes œuvres. Il a fait beaucoup de salawat, il a fait beaucoup de jeûnes, il a prié la nuit, il a récité le Coran, il a donné la zakat, il a fait le hajj, il fait beaucoup d'azkar, il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il commet du shirk avec Allah et il associe. Et il prend des intermédiaires entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il arrive au jour de la résurrection. Il arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il voit que toutes les œuvres qu'il a accomplies deviennent de la poussière, éparpillées par le vent. Et qu'il ne peut profiter d'aucune des œuvres qu'il avait accomplies dans cette vie d'ici-bas. Parce que le shirk qu'il a commis est venu détruire la valeur de ses œuvres. Et donc c'est comme la personne qui est dans le désert et qui court après de l'eau et qui s'aperçoit que c'était un mirage. Et donc en réalité cette personne, elle ne fait que se fatiguer pour rien. Elle se fatigue à faire des adorations qui n'ont aucune valeur parce qu'elle n'a pas de base dans sa croyance. Elle n'a pas compris les fondements de sa religion. Et si vous regardez les gens qui suivent toutes sortes de différentes croyances et différentes religions, par exemple les chrétiens, parmi eux, il y en a qui prient, qui font énormément d'actions, qui donnent de l'aumône et de la charité. Ils bâtissent des écoles dans les pays pauvres. Ils construisent des hôpitaux pour les malades. Ils construisent des puits pour abreuver les gens qui sont assoiffés. Ils donnent de l'argent pour aider les orphelins et les malades. Et ils font beaucoup d'efforts pour essayer d'aider les gens. Ils prient, et parmi eux, il y en a qui font toutes sortes de choses, de sacrifices, dans leur croyance et dans leur religion chrétienne. Mais parce qu'ils associent avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils font le shirk. Au lieu d'adorer Allah seul, ils adorent Jésus, le fils de Marie. Et ils le considèrent comme étant un Dieu ou un fils de Dieu. Alors ça, c'est considéré par Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le plus grave de tous les péchés. C'est le péché du shirk. C'est le péché qui est le seul d'entre tous les péchés que Allah ne peut pardonner. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui et qu'on associe quiconque avec lui dans l'adoration et qu'on adore quoi que ce soit d'autre que lui. Mais il pardonne tout autre péché que le shirk, qui est moindre que le shirk, à qui il veut. Et donc, serviteurs d'Allah, on voit donc l'importance du tawhid et de l'unicité d'Allah et de ce premier pilier qui est le pilier de l'islam, le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Serviteurs d'Allah, sachez que la signification des deux témoignages de la ilaha illallah et de Muhammadun Rasulullah, il faut connaître sa signification et il faut savoir également ce que ça implique dans l'application et dans la vie et dans ce qui est concret. Ce n'est pas uniquement une parole qu'on prononce avec la bouche et qu'on répète comme des perroquets sans avoir réellement saisi son sens profond et la réalité de sa signification. Serviteur d'Allah, celui qui dit la ilaha illallah, il doit savoir la signification de ce qu'il dit et il doit agir et appliquer cette signification dans le concret et dans la réalité. Parce que certaines personnes le disent sans comprendre et ils le disent sans l'appliquer. Donc ils le disent et ils font le contraire de ce que cela signifie et le contraire de ce que cela implique. Et donc dans ce cas-là, cela ne sera d'aucune utilité pour la personne qui l'a prononcé au jour de la résurrection. Même s'il dit la ilaha illallah 1000 fois, 2000 fois, 100 millions de fois, s'il n'a pas compris la signification et s'il ne l'a pas mis en application et n'a pas fait des efforts pour l'étudier et le comprendre et pour l'appliquer dans sa vie, eh bien dans ce cas-là, cette parole n'aura aucune signification au jour de la résurrection pour lui. Et elle ne lui profitera en rien. Et donc la signification de la ilaha illallah, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, comme on l'a dit, que rien ne mérite l'adoration et rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est adoré en mensonge et en fausseté. Et que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite qu'on adore. Seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite qu'on prie à lui. Seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite qu'on se prosterne à lui. Seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite qu'on le craigne. Seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite qu'on l'aime. Seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite qu'on mette notre confiance en lui. Seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite qu'on mette notre espoir en lui. Seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite qu'on sacrifie quoi que ce soit pour lui. Seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite notre adoration et rien d'autre en dehors d'Allah. Et personne d'autre en dehors d'Allah. Ni les animaux, ni les hommes, ni les arbres, ni les pierres, ni les saints, ni les prophètes, ni les anges, ni le soleil, ni la lune, ni les djinns, ni les esprits. Peu importe ce que les hommes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les créatures que Allah a créées, tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, ou tout ce qu'ils prennent comme intermédiaire entre eux-mêmes et Allah subhanahu wa ta'ala, est batil. C'est-à-dire que c'est faux et que c'est rejeté. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran et il dit ce qui signifie. Cela c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est la vérité. Et ce que les mushrikines, c'est-à-dire les idolâtres et les associateurs, ce qu'ils associent et ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah est la fausseté, c'est le mensonge. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le très haut et le très grand. Et ce que le témoignage implique, c'est que tu dois rendre ton adoration exclusive pour Allah seul et que tu ne dois rien adorer autre que lui. Donc lorsque tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah », tu as déclaré ton désaveu, tu as déclaré que tu rejettes et que tu détestes tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu t'accroches à l'adoration d'Allah seul. Et tu fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne, ainsi que son messager, et tu t'écartes de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, ainsi que son messager. Et c'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait aux mushrikines, c'est-à-dire à son peuple, parmi les Arabes qui adoraient des idoles, lorsqu'il disait à son peuple, dites « La ilaha illallah », dites « Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah », qu'est-ce qu'ils répondaient? Quelle était leur réponse? Ils refusaient de le dire. Et pourquoi refusaient-ils? Ils refusaient parce qu'ils comprenaient que ce qui était demandé de leur part, c'était de cesser d'adorer les idoles et d'adorer Allah seul. Alors ils refusaient de dire « La ilaha illallah » parce qu'ils avaient compris ce que cela impliquait. Et les Arabes sont des gens qui n'aimaient pas se contredire eux-mêmes. C'est-à-dire, ils n'allaient pas prononcer une parole et faire le contraire. Et donc, on voit dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne justement ce fait. Et il dit « Aja'ala al-alihata ilahan wahida » Il mentionne la parole des mushrikines. Est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une divinité unique? Cela est certes une chose étrange. Et les notables, les gens importants parmi les mushrikines, se sont levés et ils se sont en allés et ils ont dit aux gens, restez fermes et restez patients dans l'adoration de vos idoles. Cela est quelque chose qui est souhaitable. Et donc ils ont voulu encourager leur peuple à rester accroché à l'association et à l'idolâtrie. Mais c'est la preuve d'une chose, que ces mushrikines ont compris que pour quelqu'un qui dit « La ilaha illallah », cela implique qu'il doit cesser d'adorer toute autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les Arabes, étant donné qu'ils sont des Arabes qui comprenaient l'arabe pur et l'arabe clair, eh bien, ils ont refusé de le dire et ils ont préféré même combattre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les croyants plutôt que de le dire. Tandis que les adorateurs de tombes aujourd'hui, parmi les musulmans ou les gens qui se disent musulmans et qui adorent les morts et les saints et les tombeaux et les tombes, ils disent « La ilaha illallah » jour et nuit. Mais ils n'ont pas compris sa signification. Donc ils se contredisent. Ils disent « La ilaha illallah » et puis ils adorent d'autres que Allah. Ils disent « La ilaha illallah » et ils font du shirk. Ils disent « La ilaha illallah » et ils vont voir les sorciers. Ils disent « La ilaha illallah » et ils croient en l'horoscope. Ils disent « La ilaha illallah » et ils mettent leur confiance en autre que Allah. Ils disent « La ilaha illallah » et ils craignent un cheikh qui est mort et enterré dans sa tombe plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent « La ilaha illallah » et ils vénèrent les tombes et les morts et ils sacrifient des animaux pour eux et ils font le tawaf autour de leur tombe et ils font des pèlerinages à leur tombe. Et donc ça c'est la preuve. qu'ils n'ont rien compris de la signification de la ilaha illallah. Et lorsqu'ils ont des malheurs, ou des problèmes, ou des difficultés, au lieu de dire « Ya Allah, arithna, Ya Allah, unsurna », ils disent « Ya Ali, Ya Hussein, Ya Abdul Qadir, Ya Tijani, Ya Naqshbandi, Ya Rifa'i ». Ils appellent des êtres humains qui sont créés comme eux et qui ne peuvent même pas faire quelque chose pour leur propre personne parce qu'ils sont dans leur tombe à attendre le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, à attendre que l'ange souffle dans la trompe pour que Allah subhanahu wa ta'ala décide du jugement dernier. Et ils savent qu'ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes et qu'ils ne peuvent encore moins faire quoi que ce soit pour les hommes qui sont sur la terre et qui sont vivants aujourd'hui. Si tu veux quelque chose, demande. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas, « Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fas'ta'in billah. » Si tu demandes, demande à Allah seul. Et si tu cherches de l'aide, demande l'aide à Allah seul. Donc, serviteur d'Allah, sachez qu'il est fondamental pour le croyant de connaître la signification de la ilaha illallah, mais tandis que les adorateurs de tombes n'ont pas de raison et ils ne réfléchissent pas. Ils ont oublié Allah et Allah les a donc oubliés. Et le shaitan leur a embelli leurs œuvres, leur a embelli le mal qu'ils faisaient. Et Allah ne guide pas les peuples mécréants. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تقيم الصلاة فإنها الركن الثاني بعد الشهادتين قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتفعل الواجبات الدينية وتترك المحرمات فقد قاتل الصحابة رضي الله عنهم بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من منع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله وقال الصحابة إن الزكاة من حق لا إله إلا الله وقيل للحسن البصري رحمه الله واحد من السلف إن ناسا يقولون لا إله إلا الله إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة وقال وهب بن منبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ما مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. Serviteur d'Allah, sachez que parmi les implications du témoignage de la ilaha illallah, il y a que le serviteur d'Allah doit établir les 5 prières par jour, car cela fait partie des piliers de l'islam et c'est le deuxième parmi les piliers de l'islam après le témoignage de la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran ce qui signifie Et s'ils se repentent et établissent la salat et donnent la zakat, alors ce sont vos frères en religion. Et parmi les implications du témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il y a le fait que nous devons également payer la zakat et que nous devons jeûner le jeûne du Ramadan et que nous devons faire le hajj à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala à Mecca pour la personne qui en a la capacité et les moyens, et de faire les actes obligatoires dans la religion et de s'écarter des interdictions. Parce que les sahaba radiyallahu anhum et avec Abu Bakr à leur tête radiyallahu anhu ont combattu ceux qui avaient refusé de payer la zakat à leur époque, alors que ce sont des gens qui disaient la ilaha illallah. Mais cela n'a pas empêché les khulafa al-rashidin et les sahaba de les combattre pour avoir délaissé ce droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Hassan al-Basri, il a mentionné, parce que quelqu'un lui a posé la question, certaines personnes disent la ilaha illallah, et ils disent que quand on dit la ilaha illallah, on rentre au paradis. Alors Al-Hassan al-Basri a répondu, et il a dit, certes, celui qui dit la ilaha illallah, et qui remplit ses droits, et qui respecte ses obligations, celui-là entrera au paradis. Et Wahm ibn Munabbih, également un autre parmi les tabi'in, il a dit à la personne qui lui a posé la question, n'est-ce pas que la ilaha illallah, le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, est la clé du paradis? Et il a répondu, certes oui, la ilaha illallah est la clé du paradis, mais toute clé a des dents. Et si ta clé possède les bonnes dents, c'est-à-dire les conditions de la ilaha illallah, alors dans ce cas, oui, ta clé pourra ouvrir la porte du paradis. Mais si tu as une clé, mais que tu n'as pas les bonnes dents, c'est-à-dire tu n'as pas les conditions de la ilaha illallah, eh bien dans ce cas-là, ton témoignage et ta clé ne pourront pas ouvrir la porte du paradis pour toi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم. سد الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حادوا بين المناكب والأقدام تراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن